Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Jules Coignard. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je tiens avant tout à remercier la NEF qui est le partenaire de ce podcast. La NEF, pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette coopérative bancaire citoyenne, bah justement c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est un partenariat qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, des personnes comme Jules. Jules, toi, tu es le cofondateur de Circulaire, c'est le premier réseau mondial des startups de l'économie circulaire pour accélérer la transition d'une économie linéaire. Donc, on parle de prendre, consommer, jeter à une économie circulaire, respectueuse de l'être humain et de la planète. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et pour les vacances d'été, je souhaitais prendre un peu de hauteur et proposer un format d'échange qui diffère un peu des épisodes classiques, on va dire, de 2030 glorieuses, et notamment de me pencher sur la question des métiers en 2030 glorieuses et de notre relation au travail. Nous allons donc parler ensemble, Jules, d'une nouvelle manière de faire tourner l'économie pour revaloriser nos déchets, mais pas que. On va aussi parler de libérer les êtres humains, protéger le vivant. Et puis on verra ensemble, je l'espère, comment la circularité, elle est bénéfique aussi au niveau de l'emploi, sur la qualité, mais aussi sur la quantité. Pour commencer cet échange, Jules, je te pose la question que je pose à tous mes invités au début. Imagine, tu es à un événement où tu rencontres de nouvelles personnes. Et forcément, en général, pour ouvrir l'échange, arrive cette fameuse question de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ? » Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là ? Alors, bonjour Julien, merci pour l'invitation. Écoute, je leur réponds que je m'appelle Jules et que je suis le cofondateur de Circulaire et que nous déployons notre énergie à accélérer la transition des organisations privées et publiques vers l'économie circulaire, notamment pour lutter contre le dérèglement climatique. Et ensuite, si un blanc s'installe parce que je sens que les personnes veulent aller plus loin, je donne un peu plus de détails et je dis que on fait ça à trois niveaux avec un niveau de une première phase de sensibilisation et de formation. Ben on y reviendra sur les métiers de demain, mais je pense qu'on a besoin de redéployer certaines compétences qui vont être importantes pour justement les métiers de demain. Donc sensibiliser, créer le déclic, faire monter en compétences. Ensuite, on a une partie de notre activité autour d'un écosystème d'acteurs, dans lequel d'ailleurs, Julien, tu es intervenu, hein, le club circulaire, où on vient réunir justement des grands groupes, des startups, des associations, le ministère de la transition écologique, pour parler de sujets autour de la circularité. Et enfin, la mise en place de projets concrets, où là, on va accompagner les acteurs sur la mise en place de projets en économie circulaire. Ce que j'aime bien faire quand je donne la parole à des gens aussi inspirants que toi, Jules, c'est de triturer un peu cette réponse qui me semble être une réponse un peu ancien monde. Quand tu dis « je suis cofondateur de Circulaire », effectivement, on voit tout à fait la ligne apparaître presque dans notre projection par la pensée de ce à quoi pourrait ressembler ton profil LinkedIn. Et à la fois, ça me semble être complètement à côté de ce que tu fais réellement et de surtout pourquoi tu le fais et de du sujet enfin, pour lequel tu t'engages. Est-ce que tu pourrais qualifier ça différemment ? Est-ce que tu dirais que, je ne sais pas, tu es ambassadeur de la circularité ? Comment tu le dirais autrement ? Alors déjà, je réponds très différemment à la question qui es-tu, Jules ? Tu vois, qui est quelque chose que je perçois de différent. Donc là, je t'aurais répondu, je m'appelle Jules, j'ai 34 ans, je suis le papa de 3 enfants. Je vis à Biarritz et je vais régulièrement sur, d'où je suis originaire, je vais régulièrement sur Paris où on a l'entreprise circulaire. Et je suis absolument convaincu de la nécessité pour l'humanité de se transformer radicalement afin de réussir à vivre dans un monde qui est habitable, en respect du vivant et des hommes avec un grand H. Et que je suis persuadé que l'économie circulaire, c'est un des leviers d'action qui va permettre de construire ce monde-là. Justement, on va en parler et c'est vraiment pour ça que je suis content de te donner la parole, de cette économie circulaire dont vous êtes de très beaux porte-étendards, Raphaël et toi. Et tu vas voir que cette interview, elle est un peu presque enfantine dans le bon sens du terme, puisque quand tu le dis, tu es père de 3 enfants, peut-être que tes enfants en sont déjà à cette étape-là du pourquoi. Et je trouve qu'on a un peu perdu ça, nous. Et donc, quand on devient adulte, on dit beaucoup comment, mais plus trop le pourquoi qui est pourtant le fond des sujets, et là, en l'occurrence, de ce qui vraiment nous intéresse. Et j'aimerais qu'on revienne sur tous ces pourquoi. Et le premier que j'ai de pourquoi, pour toi, Jules, c'est pourquoi notre modèle économique, il est à bout de souffle. Tu parles de circularité, mais du coup, c'est une alternative à quelque chose actuel et quelque chose actuel dont on voit les limites. Hein. Je suis absolument d'accord. Peut-être pour t'introduire ça, moi, je peux t'expliquer comment j'ai découvert un peu ce phénomène-là. Donc, je te disais, je suis originaire de la côte basse, donc je suis surfeur et amoureux de l'océan depuis toujours. Et donc, j'ai abordé ce sujet-là via la problématique des déchets marins. Il y a énormément de problématiques environnementales qui sont liées aux océans, mais il y en a une notamment, c'est en tout cas qui te touche directement quand tu es surfeur, c'est les déchets sur les plages et dans les océans. Et c'est via ce prisme, d'ailleurs, qu'avec Raphaël, qui est l'autre cofondateur du Circulaire, l'autre ambassadeur de l'économie circulaire avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, en fait, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler cette problématique un petit peu des déchets dans les océans? On a commencé à interviewer tout un tas d'experts, notamment des experts de l'Ifremer, un autre surfeur d'ailleurs, François Galliani, qui est l'expert des déchets marins que je salue au passage, qui nous ont expliqué que finalement, le déchet, une fois qu'il est dans l'eau, c'est un peu tard et que c'est très compliqué de lutter à partir de ce moment-là. Et c'est comme ça que peu à peu, on a remonté la chaîne et on est arrivé sur la thématique du déchet de manière globale et qu'on s'est rendu compte évidemment de toutes les problématiques qu'il y a, qui sont liées aux déchets actuellement. On produit de plus en plus de déchets et ce sont des ressources qui finissent leur vie finalement. Tu as à peu près 91% aujourd'hui du monde qui fonctionne de manière linéaire, c'est-à-dire que 91% de tout ce qu'on extrait et qu'on va produire va avoir une fin de vie incinérée, enterrée ou qui finit malheureusement dans la nature. Et donc, c'est cette première problématique qui m'a touché, cette production exponentielle de déchets. Et si tu remontes la chaîne et tu vas en amont, tu as évidemment l'utilisation aberrante et très peu intelligente qu'on a aujourd'hui des ressources naturelles, puisqu'on va venir piocher dans les ressources en ayant pensé pendant de nombreuses décennies que les ressources étaient là de manière infinie, ce qui est absolument pas le cas. Et donc, on se retrouve aujourd'hui vers une double problématique amont ressources aval déchets, qui fait qu'aujourd'hui, l'économie, de la façon dont elle fonctionne, elle marche pas du tout. Et d'ailleurs, elle est illogique d'un point de vue environnemental, évidemment. D'un point de vue social aussi, on pourrait y revenir parce qu'il y a tout un tas de problématiques associées. Et elle est aussi illogique d'un point de vue économique parce que tu vas venir extraire de la ressource, la transformer, la produire. Parfois, c'est de la ressource en plus, ou en tout cas des produits qui sont inutiles, on pourra en parler. Et tout ça pour que ça finisse inerte avec aucun intérêt, justement, encore une fois, économique derrière. Donc, l'objectif, c'est de repenser un petit peu tout ça. Et peut-être, si je peux juste me permettre, 2 petites citations qu'on avait entendues, qu'on avait fait un tour du monde de l'économie circulaire avec Raphaël en 2015-2016. On avait un premier entrepreneur qui nous avait dit « Le déchet est une ressource au mauvais endroit ». On a trouvé cette citation assez intéressante. Et on en a un second un peu plus tard, vers la fin du voyage, lui, qui nous a dit « Le déchet est une erreur de design ». Et j'ai trouvé ça encore plus intelligent de se dire que finalement, on pourrait repenser la manière d'écrire finalement notre production et de faire en sorte que le déchet soit une aberration, tout comme ça l'est dans la nature. D'ailleurs, il n'y a absolument pas de déchets dans la nature. Et essayer d'appliquer ça à notre modèle de société. Ouais, on reviendra sur la notion de déchets quand on regarde le vivant dans sa globalité. Mais effectivement, dans ce que tu dis, dans l'expérience que tu nous partages, on voit bien à quel point le déchet, c'est vraiment le boulet de cette humanité dite moderne, dite développée, à tel point que... Il y a pas mal d'experts qui disent que de Homo sapiens, on devrait plutôt parler d'Homo economicus et même de Homo detritus. et que tout ce qui nous caractérise, tout ce qui est à la suite de ces êtres humains partout, tout le temps, bah, c'est des déchets en fait. Et du coup, là où toi tu arrives, et c'est ma question un peu corollaire, là où toi tu arrives à être ambassadeur de l'économie circulaire, jusqu'à quel point tu peux nous raconter pourquoi c'est pas simplement une rustine à notre modèle actuel, mais bel et bien un changement de modèle radical. On pourrait le voir, et souvent c'est une crainte, et que je ressens aussi, hein, moi, hein, pour tout te dire, Jules, quand on voit ce mot dans la bouche, dans les rapports, dans les publicités de géantes, de géants, de multinationales, dont on connaît malheureusement la propension à générer du profit tout le temps, partout, on a un peu l'impression que ça soit juste une nouvelle manière de continuer à faire du business as usual. Pourquoi c'est pas le cas? Alors, je suis évidemment complètement convaincu qu'en fait, passer à l'économie circulaire, c'est un changement radical finalement de manière de voir et de faire l'économie. Et je pense que le parallèle avec la nature est vraiment excellent. D'ailleurs, peut-être un tout petit aparté là-dessus, lors du tour du monde, on a passé plusieurs jours dans la ferme de l'experte sud-africaine du biomimétisme qui s'appelle Claire Janisch, et c'était absolument magnifique en fait de voir avec elle à quel point le vivant a déjà imaginé un modèle qui fonctionne parfaitement sans aucune notion de déchets, et ce qui est absolument pas le cas pour nous, humanité. Et je pense que finalement, si la nature était un modèle économique, ce serait le modèle économique le plus parfait qui existe, le plus optimisé, et un modèle d'ailleurs qui peut fonctionner pendant des millions d'années, ce qui est pas le cas de notre modèle actuel. C'est ça qui est assez fou en fait, c'est une sorte d'aveuglement, et j'ai l'impression qu'on en sort, et on aime bien avoir une position assez optimiste avec Raphaël, avec Circular là-dessus, de se dire qu'on a besoin de sortir un peu d'enlever les œillères et de voir qu'en fait, ben, d'un point de vue purement physique et économique, les ressources sont en extinction, on produit trop de déchets qui ont tout un tas d'impacts néfastes et qu'on a besoin de changer de modèle. Et il y a un lien aussi qui est pas tout le temps évident entre économie circulaire et émissions de CO2. Et je fais juste un aparté là-dessus parce que évidemment il y a tout un tas de problématiques environnementales et je pense que tes auditeurs en sont conscients. Il y en a un évidemment qui est le dérèglement climatique dont on parle beaucoup, qui est quand même un enjeu majeur. Et juste pour expliquer pourquoi je vois vraiment l'économie circulaire comme une solution. En fait, il y a une étude récente qui explique que pour respecter les accords de Paris, donc arriver à avoir une trajectoire carbone qui nous permette d'avoir un monde vivable sous les 1,5 d'ici à 2030, voire 2050, bref, il y a différents objectifs. En fait, 55% des émissions vont être adressées par la transition énergétique. Donc changer la façon de produire de l'énergie, avoir de la sobriété énergétique, donc réduire notre besoin en énergie, isoler, etc. Et en fait, les 45% restants vont être adressés par l'économie circulaire. Donc on voit que l'économie circulaire, c'est un magnifique levier pour permettre justement d'avoir des trajectoires carbone qui soient acceptables et qui nous permettent d'avoir un monde vivable. En revanche, ça implique, et donc c'est là où je te rejoins sur la rustine, un vrai changement de modèle. Alors parfois, il y a des entreprises effectivement qui pénètrent le sujet de l'économie circulaire par oh, « tiens, j'ai des déchets existants, plutôt que les brûler, je vais essayer de trouver des solutions alternatives ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle les boucles les plus longues de l'économie circulaire, donc c'est-à-dire comment tu vas potentiellement un peu mieux recycler tes déchets. Mais ça, c'est vraiment anecdotique. On va dire que c'est quand même une façon d'entrer dans la boucle d'une certaine manière, mais on est absolument loin d'un idéal en termes de circularité et en termes de potentielles ressources économiques, emplois que tu vas pouvoir créer. Et on pourra revenir sur l'emploi, il y a des chiffres qui le montrent assez bien. Donc là, le but, ça va être comment je vais m'appliquer à aller sur des boucles beaucoup plus courtes de réemploi, de réparation, même de changement de modèle sur la location ou autre. Et en fait, tout ça, ça va impliquer des vrais changements en profondeur des entreprises. Hein. Et je pense que l'entreprise de 2030 ou l'entreprise de 2050, elle n'aura plus rien à voir avec l'entreprise d'aujourd'hui et l'entreprise d'hier, puisqu'elle aura dû avoir mis au cœur de son modèle des projets autour de la circularité. Et peut-être une dernière chose là-dessus, j'aime bien faire le parallèle avec la transformation digitale qu'on a pu voir opérer. Si on voit le début de l'ordinateur personnel, etc., Internet, en fait, ça a révolutionné la façon dont fonctionnent les entreprises aujourd'hui. Et je dis pas ça pour dire que c'était bien et qu'il faut faire pareil. C'est juste que je trouve qu'il y a un parallèle intéressant de se dire, on a vu dans le passé le digital arriver et transformer notre façon d'avoir de l'emploi, etc. En fait, je suis convaincu que la vraie révolution et celle qui s'opère aujourd'hui, c'est la manière de faire de l'environnement, de la RSE, de la sustainability et donc de l'économie circulaire. Et que la façon de travailler d'aujourd'hui et celle de demain n'aura rien à voir, puisqu'on va devoir mettre au cœur de nos modèles la circularité. Donc ça va vouloir dire changer la façon de faire des achats, changer la façon de faire du design, changer la façon de faire du marketing, changer la façon de produire, etc., etc. Ça va vraiment transformer radicalement la manière d'opérer de nos entreprises. Et donc, pour te répondre concrètement, je pense qu'effectivement, il y a peut-être certaines rustines qui sont mises aujourd'hui, qui sont, on va dire, une première façon d'opérer une transformation de ton vélo, je ne sais pas à quel véhicule tu pensais, mais que demain, ce seront uniquement les entreprises qui auront un changement radical qui vont pouvoir continuer d'opérer dans le monde dans lequel on vit, avec toutes ces limites en termes de ressources, de déchets et d'émissions de CO2 associées. Ouais, Jules, tu disais que finalement, l'économie la plus parfaite, le modèle économique le plus parfait, il était dans la nature, il était dans le vivant. Est-ce que dans ce modèle-là, le mot de croissance, il a encore un sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le remplacer par le mot équilibre avec un S? Comment tu le vois ça, toi, avec tes lunettes d'expert en économie circulaire en plus? Alors l'équilibre, c'est vraiment un mot que j'adore, qui fonctionne très bien d'un point de vue macro, d'un point de vue micro, même d'un point de vue individuel, parce que je sais que c'est des sujets que tu adresses, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, qui est extrêmement important pour Circulaire, même dans la façon dont on travaille. En fait, le mot croissance, je pense que c'est un terme qui est intéressant et qu'on a besoin, de changer la façon de voir les choses. En fait, comme aujourd'hui on n'est pas dans une situation d'équilibre, je pense qu'il y a certaines choses qui ont besoin de voir de la croissance. On a besoin d'avoir une croissance de l'impact positif, on a besoin d'avoir une croissance des échanges sociaux, etc. etc. Donc, en fait, c'est juste que pour l'instant, le mot croissance est tellement associé au PIB, à la création de valeurs purement économiques, que ça en devient un vrai problème, en fait, hein, de la manière dont on voit la société aujourd'hui. On a besoin de repenser la façon de voir le mot croissance et de l'aborder différemment. Et évidemment, associé à ça, bah, tu vas avoir tous les sujets autour de la sobriété, en fait. Donc, comment tu vas moins produire, mais mieux produire sur des choses essentielles. Et c'est évidemment vers ce type d'économie qu'on doit tendre. Mais pour y arriver, bah, y a certaines entreprises qui vont avoir besoin de croître d'un point de vue purement économique et d'autres qui vont avoir besoin de décroître parce qu'elles ont des impacts trop néfastes et que ça va pas du tout dans le sens de l'histoire et de l'humanité. Et donc, je te rejoins totalement sur le fait de trouver, en fait, le bon équilibre qui fait que aujourd'hui, la nature, en fait, elle est en parfait équilibre, en tout cas sans l'être humain malheureusement pour l'instant. Elle est quand même en perpétuelle mutation et adaptation, donc elle a une forme de croissance qui permet de s'adapter à toutes les situations. Et je pense qu'on a besoin d'arriver à ce même état où on arrive à créer une société économique et civile qui puisse fonctionner des millions d'années. Ça, c'est vraiment, je trouve, un excellent KPI, c'est se dire, bah tiens, la société, en tout cas l'entreprise dans laquelle je travaille, est-ce que la façon dont elle opère aujourd'hui peut continuer à fonctionner pendant 1000 ans même, mettons, ou même pendant 200 ans, hein, parce que voire plus court, parce que l'extinction des ressources et le dérèglement climatique arrivent beaucoup plus rapidement. En fait, c'est une bonne question à se poser pour arriver à voir si on arrive quelque part à trouver l'équilibre. Et le jour où on arrivera à se dire, tiens, la société dans laquelle on vit, telle qu'elle est aujourd'hui, elle sera encore viable dans 100 ans, elle sera encore viable dans 500, dans 1000 ans, mais je pense que ce serait vraiment l'état de grâce et c'est vraiment ce vers quoi on doit tendre. Et pour faire le parallèle encore une fois avec la nature, c'est quelque chose qui est absolument vrai. Tu en parles souvent de la nature, Jules, et du coup, je ne peux pas m'empêcher de te demander pourquoi toi, peut-être personnellement aussi, et pourquoi dans le mouvement que tu portes, il y a eu ce changement de regard, là où pendant longtemps, trop longtemps, l'être humain s'est vu comme étant tout au-dessus de la chaîne alimentaire, j'allais dire, et persuadé donc d'être la ressource ultime pour trouver des solutions aux problèmes. Pourquoi on s'est dit qu'il fallait regarder autour de nous, regarder les autres écosystèmes, regarder les autres équilibres pour s'en inspirer? Et pourquoi, du coup, nous est apparu ce concept de circularité? Bon, en fait, la nature, plus on s'y intéresse, plus c'est absolument passionnant. Et je peux en parler parce que j'étais pas quelqu'un de fondamentalement intéressé par les cours de SVT, sciences des vies de la Terre, quand j'étais jeune. C'était vraiment pas un sujet qui m'intéressait, alors peut-être qu'il n'était pas abordé de la même façon. Et plus ça avance, plus je me rends compte à quel point le vivant est extraordinaire et à quel point, surtout nous, êtres humains, on peut s'en inspirer. Donc, si on revient sur le concept de biomimétisme, donc s'inspirer du vivant pour résoudre des problématiques humaines, En fait, il y a différentes façons de le faire. Il y a des façons, on va dire, très physiques. Comment dire, c'est-à-dire que on peut, l'inventeur du scratch, hein, du velcro, il a regardé comment une plante s'accrochait à la fourrure de son chien et il a inventé le velcro. Bon, le velcro, il n'y a aucun avantage environnemental là-dedans. Et en fait, il faut aller plus loin et voir comment, justement, la nature arrive à travailler en écosystème pour que tout ce qu'elle produise soit optimisé de manière fantastique et que ce soit fait sans avoir aucun impact négatif, même en venant nourrir son écosystème. Et je pense que je te parle de ce mot parce que je parle de nature. Ensuite, c'est le mot que j'adore et que vraiment j'affectionne, c'est le mot écosystème. Et je suis persuadé qu'en fait, c'est par la mise en place d'écosystèmes qu'on va pouvoir résoudre les problématiques actuelles. Et donc d'ailleurs, au passage chez Circulaire, on organise justement différentes typologies d'écosystèmes sur des thématiques précises afin de résoudre ces sujets et de mettre en place des projets d'économie circulaire. Et donc, encore une fois, pour conclure, je pense que la nature est un outil extraordinaire qui existe. C'est un laboratoire R&D qui a mis des millions, des milliards d'années à se développer. On a énormément de choses à en apprendre, que ce soit d'un point de vue de ses capacités d'action, que d'un point de vue d'organisation en tant qu'écosystème. Et je pense que si on parle vraiment du plus macro possible, c'est de là dont on doit s'inspirer. Arriver à reproduire un écosystème qui fonctionne et qui peut fonctionner pendant des millions d'années. Je t'entends depuis tout à l'heure, Jules, et je peux pas m'empêcher de me dire que quand même les valeurs que tu portes, les manières dont tu réponds à mes questions, et pour l'instant... en sacrée contradiction avec notre modèle actuel, tant tu nous dis regardez ce qui se fait autour de nous, et donc j'ai l'impression que ça demande une certaine humilité, par exemple. Tu nous dis prendre en considération nos externalités négatives, et donc c'est d'une certaine manière accepter les contraintes de notre milieu. Là, tu nous parles d'écosystème et donc de reconnaître notre interdépendance à l'heure où, au contraire, on prône l'individualisme et le self-made man. J'ai l'impression que ce sont des valeurs pour l'instant assez peu saluées, assez peu célébrées. Et donc l'économie circulaire, c'est à la fois un changement très technique et à la fois un changement aussi presque spirituel. Alors je pense qu'effectivement, pour arriver à un point de circularité... Je vais trop loin, c'est ça. J'ai l'impression d'aller trop loin dans la réponse. Non, mais quelque part, tu as absolument raison. C'est que je pense, en fait, qu'on n'en est pas encore là, mais pour aboutir à un modèle d'économie circulaire le plus parfait, il y a un besoin fondamental de repenser la manière de voir le succès, la manière de se dire vers quoi je dois tendre. Et ça, c'est absolument fondamental. Et ça rejoint évidemment tous les sujets autour de la sobriété... même de la décroissance. Je suis partiellement d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que ce soit... En fait, c'est évidemment éloigné de beaucoup de choses qui sont prônées aujourd'hui, mais j'ai en même temps le sentiment qu'il y a une certaine lame de fond qui est en train de se créer, qui prône des valeurs différentes. Et tu le vois aujourd'hui, j'imagine qu'on va en parler avec les emplois de demain, mais tu vois aujourd'hui tous les étudiants qui se mobilisent sur ces sujets-là. Tu le vois même dans les entreprises, les collaborateurs qui travaillent, même dans des groupes qui n'ont pas ces valeurs-là en leur centre, il y a des gens personnellement qui portent ces valeurs, et j'ai l'impression quand même que les choses sont en train de changer. Et je te rejoins sur le fait qu'en fait, de se dire, il y a un besoin technique de changer, et oui, il y a besoin de produire différemment, de designer différemment. Je veux dire, c'est rien d'absolument sorcier, et ça, je pense qu'on peut le... Enfin, tu vois, on arrive à envoyer des gens dans l'espace, on va pouvoir réussir à faire des collants qui cassent pas. Techniquement, je pense qu'on a déjà les solutions. En fait, elles existent. On a besoin de les passer à l'échelle. Maintenant, le comment on va réussir à faire passer ça à l'échelle, mais c'est en changeant radicalement finalement les visions des entreprises. Déjà, en leur expliquant que si elles changent pas, les employés vont partir, les consommateurs vont plus acheter leurs produits à terme, la législation va faire que, etc. Donc il y a des réponses très concrètes, court, moyen terme qui existent. Il y a aussi cette réflexion d'avoir des visions plus moyen long terme qui vont faire en sorte que ces projets de circularité vont fonctionner. Et je suis persuadé que c'est les entreprises qui aujourd'hui vont avoir ces visions, du coup de se dire, moi je suis convaincu que c'est important d'avoir d'adopter en tout cas des sujets de sobriété énergétique, d'économie circulaire pour tendre vers. Et donc là, à chacun de se fixer ses objectifs. Je pense que ce sont ces entreprises qui vont comprendre ce virage-là et qui vont finalement continuer d'exister parce qu'elles participeront à un écosystème qui sera vertueux. Rentrons donc dans le cœur du sujet, Jules, et j'aimerais bien que tu nous racontes pourquoi justement l'économie circulaire, c'est une bonne nouvelle pour les emplois. Tu m'as dit que tu avais des chiffres qui nous prouvaient cet intérêt et ce lien de causalité entre les deux. Est-ce que tu peux nous les partager et peut-être dans un second temps nous donner des exemples très concrets d'emplois qui sont issus de l'économie circulaire ? Alors, je peux déjà te donner deux chiffres qui sont intéressants et ensuite on ira vers sa seconde question. Le premier chiffre, c'est le ministère de la Transition écologique qui a fait une étude qui avait dit qu'en gros, à court terme, on pourrait créer en France 300 000 emplois nets si on passait sur un modèle d'économie circulaire. Bon, c'était quelque chose qui était assez flou, il n'y avait pas encore de date précise, mais ça donnait déjà un potentiel de création d'emplois et on sait que c'est évidemment un enjeu social. Et un deuxième chiffre que j'aime beaucoup, c'est que pour gérer 10 000 tonnes de déchets, donc si on prend l'économie circulaire ou l'économie linéaire, il y a différentes façons de le gérer. Donc tu prends tes 10 000 tonnes de déchets, si tu les enfouis, donc mise en décharge, tu vas créer un emploi. Si tu les incinères, donc tu les brûles pour récupérer l'énergie, ce qui n'entre pas dans l'économie circulaire, en tout cas selon notre définition, qui peut être éventuellement une phase de transition pour gérer ce qui n'a pas été designé pour être recyclé ou réutilisé. Bref, pour 10 000 tonnes, tu vas créer 3 emplois. Si tu les recycles, tu viens démanteler la matière, tu utilises un peu d'eau, un peu d'énergie, tu viens potentiellement un petit peu perdre de la propriété de la matière, mais en tout cas, tu permets de quelque part refaire entrer dans le cycle de production. Tu vas créer 31 emplois. Et enfin, si tu arrives vraiment vers les boucles les plus courtes de la circularité, donc ce qu'on appelle le réemploi, bah typiquement, tu vas laver, un petit peu réparer et tu vas remettre le produit tel quel sur le marché, tu crées 550 emplois. Donc je répète, 10 000 tonnes de déchets, un emploi si c'est enfoui, 3 si c'est incinéré, 31 si c'est recyclé, 550 si c'est réemployé. Donc en fait, tout simplement, tu vois assez vite l'intérêt fondamental de partir sur des boucles plus courtes de valeur, puisque évidemment, plutôt que faire en sorte que le produit n'ait plus aucune utilité, tu vas le laisser dans le circuit économique. Et donc, pour faire ça, tu vas avoir besoin tout simplement de personnes qui travaillent, de personnes qui, on reviendra peut-être sur les typologies de métiers, mais qui réfléchissent à comment ça peut être fait, qui le mettent en œuvre de manière concrète. Et donc, tu vas créer de l'emploi et tu vas créer de l'emploi local. Parce que l'économie circulaire, sur certaines thématiques, n'a de sens économique et environnemental que si c'est fait en local, sous certaines conditions de distance entre l'endroit où tu consommes et l'endroit où tu vas produire. Et donc, ça va avoir tout un tas d'avantages en termes de création d'emplois derrière. Mais restons là-dessus, si tu veux bien, Jules. Déjà, j'aimerais, parce que c'est la première fois que j'entends cette notion de boucle courte et de boucle longue, et j'aimerais bien que tu nous éclaires un peu à ce sujet, si tu veux bien. Avec plaisir. Donc, quand on parle d'économie circulaire, en général, on parle de deux types de boucles à la base. On parle des boucles biologiques, donc tout ce qui peut revenir à la terre. Par exemple, des déchets organiques, tu vas pouvoir les composter, les méthaniser. Donc ça peut revenir finalement dans le cycle. Et ensuite, tu vas avoir les boucles techniques. Donc les boucles techniques, c'est tout ce qui a été transformé et qui peut pas revenir tel quel justement à la terre. Donc là, tu vas avoir l'aluminium, le plastique, le ciment, etc. Sur ces boucles-là, c'est là où on parle de boucles courtes ou de boucles de longues. Donc les boucles courtes, c'est ce qu'on va privilégier, donc ça va être la maintenance, ça va être la réparation, ça va être éventuellement la réindustrialisation, enfin le remanufacturing, où tu vas venir un petit peu refaire du process industriel pour réutiliser l'objet. Et la boucle, ce qu'on appelle la boucle longue de l'économie circulaire, c'est le recyclage. Donc on parle de boucle longue parce qu'en fait, pour recycler, encore une fois, tu vas avoir besoin d'eau, d'énergie, tu vas un petit peu dégrader la matière, donc c'est vraiment la boucle qu'on va utiliser dans le dernier des cas. Malheureusement, c'est souvent un point d'accroche vers lequel se tendent les entreprises dans un premier temps. Mais le but vraiment ultime de la circularité, c'est tendre vers les boucles courtes. Parce que vers les boucles courtes, c'est là où on va garder la valeur environnementale du produit, on va garder sa valeur économique, et en plus, comme je viens de l'expliquer, on va créer plus d'emplois. Et donc, l'idéal de la circularité à terme, c'est d'arriver justement vers ces boucles les plus courtes qui permettent impact environnemental, économique et social optimisé. Et pour rester toujours sur ton exemple de du nombre de personnes utilisées pour la revalorisation proposée d'un objet ou pas, j'ai quand même l'impression qu'entre le moment où tu enfouis et le moment où tu réussis à intégrer dans la filière en apportant très peu de modifications, tu as pris un saut en termes de sens qui est assez extraordinaire, parce que je vois comme très robotique, mécanisé, la mission d'enfouissage ou d'incinération. J'ai l'impression que, au contraire, les métiers qui seraient là, en l'occurrence, le plus favorisé, si on allait vraiment au bout de ces principes d'économie circulaire, c'est aussi des métiers qui sont porteurs de sens, qui sont porteurs de créativité. Est-ce que je me trompe ? Bah alors, tu te trompes pas du tout. En tout cas, moi, j'en suis convaincu, et c'est là aussi que je voulais en venir derrière, c'est que, en fait, tu as des créations nettes d'emplois. Donc, c'est des personnes, j'ai n'importe quoi, plutôt qu'utiliser une bouteille en plastique qu'on va venir incinérer, tu vas utiliser une bouteille en verre que tu vas venir laver et remettre dans le cycle. En fait, tu vas avoir une modification des compétences sur la manière de designer la bouteille, évidemment, puisqu'elle doit pouvoir résister dans le temps, être utilisée un nombre de fois le plus large possible. Ensuite, tu vas avoir une manière de vendre cette bouteille qui va être différente. En fait, tous les emplois le long de la chaîne vont être transformés, et tu vas créer de l'emploi, évidemment, parce que cette bouteille, bah, plutôt que la brûler, tu vas devoir l'emporter à un endroit et ensuite la laver, la remettre dans son circuit de production, la remettre en circulation. Et donc, tout au long de la chaîne, tu vas avoir tout un tas d'emplois qui vont se créer. Et le gros avantage, c'est pour te rejoindre, c'est que tous ces emplois vont être porteurs de sens, parce qu'en fait, ils vont être tous créés dans une optique d'entrer dans des boucles vertueuses avec des impacts positifs pour les hommes et la planète. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que globalement, et c'est ce dont c'était un gros apprentissage qu'on avait fait de notre tour du monde, quand tu vois des gens qui travaillent dans l'économie circulaire, ben, tu vois, quand on avait fait le tour du monde et qu'on avait rencontré 150 femmes et hommes qui portaient des sujets d'économie circulaire dans le monde, les 150, en fait, j'exagère, mais 95% avaient le sourire quand tu les voyais, étaient extrêmement motivés et moteurs dans leur manière de voir leur emploi, puisque ils arrivaient à percevoir la valeur créée pour la société civile et pour le vivant même de manière globale, avec des impacts positifs de leur projet. Et ça, c'est quand même génial, tu vois, d'avoir ce style de moteur. Et je pense qu'on le voit nous très bien, en tout cas chez nous, chez Circulaire, chez les gens qui nous rejoignent, qui sont portés en fait par des convictions profondes qui font qu'ils sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus heureux, je pense aussi, dans la manière de travailler. Et c'est à mon avis, un trait commun que tu vas retrouver sur les typologies d'emplois qui vont être créées autour de la circularité. Donc, on comprend bien la notion d'épanouissement qui est lié à ce genre d'emploi, parce que tu contribues à quelque chose qui te dépasse, tu contribues à quelque chose dont tu sais que c'est vraiment nécessaire pour répondre aux enjeux de notre siècle. Ça, c'est évident. Là où je t'attendais aussi un petit peu, c'est que tu me dises jusqu'à quel point ces nouveaux métiers, ils sont aussi plus épanouissants, parce que plus créatifs, et parce que ils permettent de sortir un peu, et peut-être que je me trompe, hein, mais des métiers actuels dont on dit qu'ils sont des bullshit jobs, burn out jobs, bore out jobs, et qu'au contraire, ces métiers de la circularité, ils vont faire appel à la créativité, à l'attention, au jugement, presque à la personnalité de chacune des personnes qui feraient ce métier. Est-ce que c'est une vision un peu naïve, ou est-ce qu'il y a un fond de vérité derrière ça ? Écoute, j'essaie de réfléchir pour répondre de la manière la plus objective possible. Je pense qu'en fait, on a besoin aujourd'hui de réinventer la manière dont on fait les choses. Et que ça, forcément, ça va nous stimuler, puisque ça va nous forcer un petit peu à repenser la manière dont on fait notre métier. Et tu vois, tu parlais de pas mal de métiers existants. Je pense que tu faisais référence peut-être à certains métiers du marketing qui te forcent parfois à vendre des produits qui sont pas vraiment nécessaires ou qui ont pas vraiment d'utilité. En fait, je pense que ces compétences-là, elles seront parfois toujours extrêmement pertinentes, sauf qu'elles seront mises au service de quelque chose d'extrêmement différent. Et en ça, je te rejoins sur le fait qu'il va falloir être créatif, il va falloir faire appel à peut-être ta sincérité même intérieure, de repenser la manière dont tu fais du marketing pour le faire de manière beaucoup plus efficace dans la circularité. Et donc effectivement, je pense que, en tout cas ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense que ces métiers seront beaucoup plus intéressants, parce que déjà beaucoup plus alignés évidemment avec tes valeurs, mais aussi tu vas devoir un peu et je pense que c'est vraiment le cas aujourd'hui, on a besoin de se casser la tête à voir comment on va pouvoir modifier la façon de faire les choses. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a eu un mode de pensée depuis, disons, la révolution industrielle qui nous a poussé à penser linéaire finalement. Tiens, les ressources sont infinies, les déchets, la Terre pourrait les accepter, ça fonctionne bien comme ça. Et on a optimisé ce modèle de manière la plus fine possible. Hein. Finalement, le modèle, il est extrêmement optimisé de la linéarité aujourd'hui. Et donc, je te rejoins où on arrive à la limite de ce modèle-là parce que même en termes de pure créativité, peut-être qu'au début, il y a eu de l'intérêt dans ce modèle. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais aujourd'hui, le truc, il est optimisé à son paroxysme. En fait, ça fait des décennies qu'on a développé ce modèle-là et il n'y a plus grand-chose à inventer là-dedans, entre guillemets. Il y en a peut-être certains qui vont trouver peut-être une forme de stimulation sur la partie un peu digitale éventuellement qui arrivait plus récemment, mais en fait sur la partie de circulaire, en tout cas d'économie circulaire que je porte, il y a énormément de choses qui sont à réinventer, et je parle de réinventer parce qu'il y a des choses qui ont existé, qu'on peut se réapproprier, qu'on peut mettre aujourd'hui au goût du jour, et ça c'est un challenge qui est extrêmement stimulant. Moi en tout cas personnellement, ça me motive de manière énorme, quoi, tous les jours à œuvrer pour le monde de l'économie circulaire. Je suis convaincu que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes. Après, de là à dire que tous les métiers ancrés dans la circularité seront extrêmement créatifs pour tout le monde, je saurais pas répondre jusque là. Mais en tout cas, je suis convaincu que c'est des métiers et des compétences qui vont être stimulantes pour ceux qui vont faire ces métiers demain. Tu fais souvent référence, Jules, au voyage que vous avez fait, Raphaël et toi, pour aller à la rencontre de toutes ces alternatives, ces initiatives circulaires que vous avez rapportées, qui vous ont donné une énergie folle pour lancer Circulaire. Et ma question, c'est pourquoi cette circularité, elle se joue essentiellement à l'échelle internationale. Tu nous as parlé tout à l'heure des boucles courtes et donc de tout ramener à l'échelle locale. Et à la fois, j'ai l'impression que tant dans... les manières dont on pourrait s'inspirer de tout un tas d'autres pays, de tout un tas d'autres pratiques. Il y a encore des échanges à faire entre les pays. Moi, j'ai vécu en Colombie, aux Philippines. Je vois bien le niveau des débrouilles. Je vois bien le niveau, la capacité, en tout cas, à faire que chaque déchet soit une ressource et qu'on est complètement à la ramasse, nous, pour le dire comme ça, en France, même si je pense que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que tu peux... développer un peu sur cette notion de responsabilité internationale, de niveau aussi international, peut-être réglementaire, pour réussir à faire en sorte que cette économie circulaire, elle change vraiment d'échelle? Alors déjà, la première chose qui est extrêmement positive, c'est que nous, pendant le Tour du Monde, on avait fait 17 pays. Pendant le Tour du Monde, on avait fait 22 pays pendant 17 mois, excuse-moi. Et dans chacun des pays qu'on a pu visiter, donc on a fait différents continents, différentes maturités, entre guillemets, de développement économique, en tout cas au sens où on l'entend, et on a trouvé des projets d'économie circulaire absolument partout. Donc ça, c'est déjà un point qui est extrêmement positif. Ensuite, un autre constat, c'est se dire le constat environnemental, il est absolument global, hein. Il n'y a pas de frontières sur le réchauffement climatique, même si il y a des disparités sur les effets que peut avoir le réchauffement climatique qui touche plus certains pays que d'autres. Donc on a besoin d'avoir une réponse globale au sujet. Ensuite, on parle souvent de local, puisqu'on a besoin d'une réponse globale, mais qui est adaptée au scénario des différents pays, puisqu'on n'aura pas le même niveau de maturité, les mêmes enjeux, les mêmes ressources existantes, etc. etc. Et en fait, il y a une chose qui était, enfin en tout cas un grand apprentissage encore une fois qu'on a fait, c'est qu'effectivement, chaque pays peut apprendre d'un autre pays en termes de circularité. Tu vois, si tu prends l'économie circulaire... aujourd'hui, l'économie circulaire, elle nécessite de l'entraide, elle nécessite des compétences de réparation, de réemploi. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, on est allé à Cuba dans le cadre du Tour du Monde. À Cuba, en termes de réemploi, de réparation, tu vas avoir aucun pays où la population est aussi agile et a autant de compétences sur ce sujet. Puisque, évidemment, je te refais pas l'histoire avec l'embargo, etc., ça a permis de développer ces compétences-là. Et en fait, c'est génial de voir à quel point ce pays-là a cette compétence qui existe au sein de la population. Le danger, c'est de tendre vers un modèle qui va détruire cette compétence-là, puisque, entre guillemets, d'aller vers un modèle de linéarité, alors que justement, tu pourrais l'utiliser dans un modèle de circularité. Donc, on pourrait faire comme ça tous les pays, voir tout ce que tu peux apprendre, mais juste pour résumer, je pense qu'il y a énormément à apprendre d'un pays à l'autre, d'un territoire à l'autre. Et ensuite, la question, ça va être à chaque fois comment je l'adapte à mon écosystème local, aux ressources existantes, aux compétences qui existent, afin que ce soit le plus efficace possible. En général, on passe dans les épisodes du podcast 2030 Glorieuse une bonne partie du temps en 2030 Glorieuse, justement, dans cet espace où, en fait, la loi, elle est dictée par nos imaginaires et on rêve en grand en partant des métiers, des personnes auxquelles je donne la parole. Là, dans ces interviews, c'était pas vraiment l'objectif et à la fois, je peux pas m'empêcher de te poser la question, Jules, de savoir, selon toi, à quoi ressembleraient les métiers en 2030 Glorieuse dans une société où l'économie est à 100% circulaire avec des boucles les plus courtes possibles. Tu as commencé à dessiner ça un tout petit peu au fur et à mesure des questions, mais si là, on était en 2030 Glorieuse et que tu devais raconter aux gens ce que tu voyais, comment étaient les métiers et quelles nouvelles relations on avait finalement presque à notre travail, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu à quoi ça ressemblerait? Écoute, c'est une bonne question. Quand tu dis que déjà, c'est une bonne question, tu dis que c'est une question difficile en fait. Hein. Bon, évidemment, ça vient avec, ça me permet de réfléchir un peu. Je pense que déjà, le premier point, et c'est en fait, ce serait fondamental, moi, dans mon imaginaire de 2030 Glorieuse, et c'est fondamental aujourd'hui pour comprendre les changements qui sont nécessaires, c'est que l'économie circulaire, tu vois, ça doit pas être réservé à certains métiers, en fait. C'est pas à certains, tiens, ces métiers-là, ils sont circulaires, pas ceux-là. Pour moi, ça doit pénétrer 100% des métiers qui existent dans l'économie. En fait, que tu fasses de la compta, du marketing, de l'agriculture, de serrurier, enfin, peu importe, en fait, ton métier, de architecte, voilà, encore mieux, mais tu dois, en fait, incorporer les principes de la circularité dans ce que tu es en train de faire. En fait, c'est ça qui est génial aussi et que je trouve fascinant, c'est que, aujourd'hui, quelles que soient tes compétences, quel que soit ton métier, tu dois pouvoir les mettre au service, en fait, de quelque chose qui est circulaire. Donc, pour moi, si je me projette dans ces 2030 Glorieuses, en fait, 100% des métiers qui existent dans le monde, ils incorporent, en fait, de la circularité en leur sein. Par la manière de faire du design, par la manière de compter. Enfin, il y a énormément de choses qui vont être à construire. Et c'est ça qui est fascinant aussi pour le monde d'aujourd'hui, hein. C'est que pour vivre en 2030 Glorieuses, on a besoin de le construire à partir d'aujourd'hui. Et moi, si je me mets dans cet idéal-là, pour moi, évidemment, il y a une histoire de sens. Bon, on l'a dit, je pense que c'est répété assez largement, mais évidemment, tout le monde doit trouver du sens et doit être motivé en fait par son métier. Et du coup, il y a un mot que j'aime beaucoup. Je sais que tu l'abordes, mais c'est le mot du bonheur en fait, moi, qui est extrêmement subjectif, qui s'accroche à beaucoup de choses. Mais c'est comment je vais être heureux dans mon métier. Et je pense que ça passe nécessairement en fait par un impact qui soit social ou environnemental positif. Dans le podcast 2030 Glorieuse, je pense avoir donné la parole. Il faudrait que je refasse la liste en entière des invités que j'ai interviewés. Mais là, comme ça, en y réfléchissant 30 secondes, j'imagine bien Hubert qui est artisan upcycler à Roubaix et lui, du coup, il est déjà à fond avec cette tendance de circularité. Il y a Séverine qui est directrice de ressourcerie à Montreuil, ça me paraît assez évident. Il y a Johan qui permet de revaloriser des matériaux du BTP à Lyon. Ils ont déjà mis les deux pieds dans cette économie circulaire, j'ai l'impression. Est-ce que toi, tu aurais des exemples de métiers avec des intitulés un peu qui nous donneraient à voir à quoi vont ressembler de plus en plus de candidatures et d'appels même de la part des entreprises pour des métiers plus circulaires? Alors, de manière concrète, aujourd'hui, tu vas avoir, tu as de plus en plus de postes qui se créent comme responsable économie circulaire, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être justement, comme tu dis, un peu les types de métiers qui vont naître et qui vont être différents. Même si, encore une fois, hein, je pense que demain, n'importe quel type de designer, tu vas pouvoir être ancré dans l'économie circulaire. Enfin, quel que soit ton métier, encore une fois, c'est vraiment le message que je veux faire passer, peut être ancré dans la circularité. Après, sur des types de métiers qu'on a vus qui étaient assez intéressants, tu as une start-up en France qui s'appelle Maximum, je ne sais pas si tu les connais, qui font de l'upcycling en Île-de-France. Donc typiquement, ils vont récupérer des échafaudages sur les chantiers, ils vont faire des tables. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font ça à partir de déchets industriels. Donc, ils vont arriver à pénétrer l'industriel. Airbus, par exemple, ils vont récupérer les chutes de certains matériaux d'Airbus, par exemple, certains matériaux composites qui vont être utilisés normalement pour faire le plancher des A380. Ils vont demander à Airbus de faire une opération supplémentaire pour la couper d'une certaine façon. Et comme ça, ils peuvent l'utiliser telle quelle pour faire des étagères, par exemple. Alors eux, c'est assez marrant, ils vont te dire que c'est l'étagère la plus chère du monde, puisque c'est des matériaux qui sont hyper, hyper chers à la base, mais eux, comme ils récupèrent ça comme sous forme de déchets, évidemment, c'est pas le cas. Bref, et eux, je trouvais qu'il y avait un métier extrêmement intéressant chez eux. Ils avaient ce qu'ils appelaient une déchet tech. Donc en fait, ils vont identifier tous les déchets en série, donc des déchets récurrents qui existent chez les industriels. Donc il y a quelqu'un qui s'occupait de faire ce métier-là. Et ils vont référencer tous ces déchets en série. Ils vont faire appel à leur créativité pour essayer de créer des produits, encore une fois, en série qui vont pouvoir sortir. Donc ça, c'était un métier que je trouvais assez intéressant. Un autre auquel je peux penser, c'est la ville de Kamikatsu au Japon, que tu connais peut-être, dans laquelle on s'était rendu, donc qui trie ses déchets en 45 catégories. C'était 34 à l'époque, c'est 45 maintenant. Et donc, tu avais un peu sous un modèle associé, une personne qui était responsable du programme zéro déchet de la ville. Et alors ça, je pense que ce serait absolument utile pour 100% des villes dans le monde et qui devait se casser la tête à réfléchir à comment on va créer des catégories de déchets différentes, comment on est efficace dans notre communication auprès du citoyen, c'est-à-dire voilà ce qui va dans la... Parce que tu imagines, quand je parle de ça, là, de ces 45 catégories, les gens, ils ont du mal à se projeter dans un modèle comme ça. Donc, on a besoin de bien expliquer voilà ce qui va dans la poubelle, d'être très transparent aussi sur ce que ça va devenir, voilà ce que ça devient, voilà comment ça coûte, comment ça rapporte à la collectivité. Et en donnant ce bon niveau d'information, c'est là où on voit l'acte de tri qui devient efficace. Et à côté de ça, cette personne-là, elle faisait encore une fois appel à sa créativité pour lancer des projets annexes. Par exemple, ils avaient lancé le Kuru Kuru Shop, qui veut dire circulaire en japonais, où les gens venaient s'échanger gratuitement des objets au sein de la ville et ils venaient créer donc du lien social avec ça. Donc c'était un métier qui donnait assez envie, encore une fois, que j'aimerais bien voir répondu de manière un peu plus large. Et juste pour finir de te répondre, donc je pense encore une fois, il y a énormément de métiers qui vont se créer là-dedans. Et juste si je prends un sujet, je pense que le sujet du réemploi avec le vrac, la consigne qui est en train de se recréer en France, et on a besoin de réindustrialiser la France sur ces sujets-là, puisqu'on a besoin de stations de lavage, etc., etc., et d'ingénierie derrière. Mais en fait, ça va être c'est les métiers. C'est pour ça que je disais réinventer les métiers. C'est des métiers qui existaient, qu'on a détruits, qu'on a besoin de réinventer, parce qu'on a besoin de les adapter, évidemment. Et donc, ils vont se développer dans les années à venir. Et encore, mon dernier message, c'est quelles que soient vos compétences, quel que soit votre métier, vous pouvez mettre de la circularité dans ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, là, Jules, et qui se disent, bon, bah, allez, on y va, on attend, plus on se bouge, l'économie circulaire, c'est tout de suite. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, là, comme action pour faire advenir cette vision le plus rapidement possible? Je pense que l'étape 1, c'est de quand même comprendre. Alors, il y a comprendre les enjeux, évidemment. Je parlais des ressources, des déchets. Ensuite, il y a comprendre le concept de la circularité. Donc, essayer de comprendre au moins de manière théorique les différents types de boucles qui existent pour comprendre le potentiel qui peut être appliqué au métier de chacun. Et ensuite, justement, de se poser cette question-là. Tiens, comment moi, je peux adapter mon métier et l'ancrer dans quelque chose qui soit plus circulaire? Et là, évidemment, la réponse, elle va être extrêmement différente d'un métier à l'autre. En revanche, je suis persuadé que chacune des compétences que les gens vont avoir, chacun des métiers qui existent, doit pouvoir se réinventer pour s'inscrire dans la circularité. Et ça, c'est à chacun de se poser ces questions-là. À quel point mon métier peut évoluer, à quel point mon entreprise peut évoluer dans cette typologie de schéma. Et c'est comme ça qu'on va réussir à opérer cette transition. Et donc, évidemment, je te rejoins pour inviter à tout le monde de se former à ces sujets de la circularité et se poser les bonnes questions pour pouvoir adapter son propre métier et sa propre entreprise ou sa propre organisation à ce type de schéma économique. Il faudrait presque faire passer les gens un questionnaire en circularité ou leur faire vivre une fresque de la circularité. Enfin, je dis tout ce qui me passe par la tête là, mais il y a un peu ce parcours d'intériorisation, d'appropriation de ces concepts à son propre destin en fait. C'est sûr, évidemment, déjà ce serait top que ce soit inculqué dès l'école et dès le plus jeune âge. Et j'espère que mes enfants vont grandir dans un monde où ils vont apprendre dès l'école tous ces sujets autour, enfin dès la crèche d'ailleurs, hein, pour pour quand je parle des miens, et je sais que d'ailleurs ils abordent ces sujets-là déjà dès le plus jeune âge, ce qui est quand même une transformation qui est extrêmement positive. Donc on a besoin de beaucoup plus former, je pense, le plus rapidement possible. Donc si je prends l'état du monde aujourd'hui, donc on a nos enfants et les jeunes générations qui ont besoin d'être sensibilisés très jeunes et avoir des clés de compréhension et des clés d'action dès le plus jeune âge. Et ensuite, on a les métiers existants. Tu parlais de fresque, de l'économie circulaire, ça existe. Nous, on a sorti une formation justement qui est accessible en ligne, qui permet de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à ça. Il y a de plus en plus de contenu qui est créé là-dessus. Et donc ça, c'est pour le coup, c'est un des avantages d'Internet, hein, d'avoir l'information qui est divulguée le plus rapidement possible. Et donc, évidemment, j'invite tout le monde à se renseigner sur l'économie circulaire, à essayer de comprendre ce concept, se poser les bonnes questions. Et c'est comme ça que peu à peu, on va réussir à orienter le monde économique, politique et civil vers un monde vivable dans lequel, j'en suis persuadé, l'économie circulaire aura une place importante. Tu as parlé de la fresque de l'économie circulaire. Tu as peut-être une ou deux autres ressources à nous recommander pour continuer à creuser ce sujet passionnant ? Alors écoute, nous on a sorti une formation qui s'appelle l'Odyssée circulaire, qui est accessible pour l'instant d'un point de vue entreprise et organisation publique. Et ensuite, j'avais participé à un MOOC en ligne avec Phoenix sur l'économie circulaire, qui est accessible gratuitement en ligne également. Si je dis pas de bêtises, ça peut être un moyen de pénétrer ces sujets. On avait fait, je veux pas du tout faire notre promotion, mais on avait fait un TEDx sur le sujet de l'économie circulaire. Éventuellement, s'il y a certains qui veulent voir les projets qui existent autour du monde sur l'économie circulaire, c'était précisément l'angle d'attaque qu'on avait pris. Mais après, il y a énormément de choses qui se font très bien sur ce sujet. Merci Jules. Merci beaucoup Julien. Ça y est, cet épisode avec Jules Coignard vient de se terminer. Je suis très content d'avoir pu aborder ce côté très technique presque de à quoi ressemblera notre économie en 2030 glorieuse. Et même si c'est vrai que Jules l'a répété à l'envi, parce que je pense que ça lui tenait vraiment à cœur et qu'il voulait apporter ce concept clé, ce qui est intéressant avec l'idée d'une économie profondément changée pour y intégrer la circularité de partout, c'est que justement cette circularité, elle va s'insuffler dans chacun des interstices de notre manière de travailler, de créer, de générer des richesses qui ne soient pas que des richesses financières et économiques, mais au contraire plein d'autres richesses. Et donc en fait, on va tous être impactés positivement par cette circularité. Et même ce qui me semble être encore plus intéressant, c'est que idéalement on devrait tous être amenés à devoir donner notre avis, à creuser, à se positionner sur comment la circularité, elle va justement transformer notre relation au travail, notre relation à notre métier, à notre quotidien, aux matériaux qu'on utilise, aux relations qu'on a avec les autres salariés, les partenaires économiques, etc. etc. Et ça, dans la libération de l'employeur qui va être amené à se poser des questions, à poser un diagnostic, à proposer des alternatives, des améliorations pour ensuite petit à petit les laisser infuser et puis en fait de plus en plus transformer son quotidien professionnel, je trouve que c'est hyper puissant et c'est donc vraiment pour moi hyper important de parler de cette circularité comme en fait un des changements majeurs pour les 2030 glorieuses et donc forcément pour nos métiers. On va continuer cette série des interviews d'expertes et d'experts sur les métiers en 2030 glorieuses. J'ai plein de personnes inspirantes à vous faire découvrir. J'en dis pas plus, vous les découvrirez en temps et en heure. Et d'ici là, forcément, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !